Le respecté camarade Kim Jong-un, premier secrétaire du Parti du Travail de Corée, a fait l'historique rapport sur le bilan des activités du comité central du parti lors de son 7e congrès. En voici le résumé. La période depuis son 6e congrès du parti a été la plus difficile dans sa longue histoire pendant laquelle il a marqué les glorieuses annales de la victoire tout en opérant un grand changement. Pendant la période passée en revue, le Parti du Travail de Corée a précisé les lignes et politiques originales à chaque étape de la révolution en évolution dans le contexte difficile sans précédent et a fait progresser dynamiquement la révolution et l'édification en comptant sur notre grand peuple pour ainsi remporter une brillante victoire dans l'œuvre socialiste et ouvrir une nouvelle époque de la prospérité nationale. Le 7e congrès du Parti du Travail de Corée constituera un tournant historique dans l'effort pour renforcer davantage notre parti sous la bannière de la transformation de toute la société selon le Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme et hâter la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste et de la révolution Chuse. Dans la première partie, la grande victoire des idées du Chuse et de la politique de Sun-gun, le respecté camarade Kim Jong-un a indiqué. Grâce aux grandes idées du Chuse et à la politique de Sun-gun du Parti du Travail de Corée et à la lutte dévouée de notre armée et de notre peuple infiniment fidèle au parti, une victoire éclatante est remportée dans l'édification socialiste et de solides assises sont jetées pour l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire Chuse. Le 6e congrès du Parti du Travail de Corée a marqué un jalon historique pour renforcer la puissance politique, militaire et économique de notre révolution et faire progresser victorieusement l'œuvre socialiste en transformant tous les secteurs de la vie sociale selon les exigences des idées du Chuse sous la bannière de la transformation de toute la société selon les idées du Chuse. Le Parti du Travail de Corée a organisé et livré une lutte audacieuse pour défendre et faire progresser l'œuvre socialiste avec la volonté catégorique de faire échouer l'offensive contre-révolutionnaire des impérialistes par l'offensive révolutionnaire face à la grave situation. À l'époque où notre œuvre socialiste marchait victorieusement suivant l'orbite du Chuse et une belle perspective s'ouvrait pour la réunification de la patrie dans la situation qui changeait brusquement, notre parti et notre peuple ont connu le deuil national dû au décès inattendu du grand leader qu'ils considéraient comme le ciel. Le décès du camarade Kim Il-sung a été le chagrin et la perte incomparable de notre parti et de notre peuple et notre révolution a été confrontée à la plus grande épreuve. Alors que le monde entier s'inquiétait du sort de la Corée et que les réactionnaires impérialistes parlaient stupidement d'un changement de notre ligne et d'un écroulement de notre régime, le camarade Kim Jong-il a déclaré résolument sa volonté de faire, de défendre invariablement et de parachever l'œuvre révolutionnaire Chuse, inaugurée par le grand leader, si dangereux que soit le chemin de la révolution, et conduit lucidement la révolution et le développement du pays seulement selon le dessein et la manière du grand leader. À l'époque où un tournant historique s'opérait dans l'œuvre révolutionnaire Chuse et notre socialisme progressait avec force sur la voie de la victoire ouverte par la politique de Sun-gun, notre parti et notre peuple ont connu un nouveau deuil national dû au décès subi du général. L'ensemble de nos militants du parti, de nos officiers et soldats de l'armée populaire et de nos civils ont changé le chagrin en force et courage et étroitement unis autour du comité central du parti, ils se sont engagés résolument dans la lutte pour réaliser le dessein et le vœu du général. La lutte héroïque du Parti du Travail et du peuple coréen qui ont fait progresser victorieusement l'œuvre socialiste en portant haut le drapeau du Chuse et du Sun-gun malgré les pires difficultés, sera enregistré à jamais dans l'histoire sacrée de notre parti et celle de la lutte des masses populaires pour l'indépendance. Le respecté camarade Kim Jong-un a fait remarquer les succès exaltants dans l'édification d'un État puissant et prospère. Le succès exaltant obtenu par notre parti et notre peuple dans l'édification socialiste, c'est d'avoir édifié la puissance politico-idéologique de l'unité monolithique et la puissance militaire invincible. Le Parti du Travail de Corée a matérialisé la théorie Chuse-gun en matière d'idéologie, la philosophie révolutionnaire en matière d'unité monolithique et la ligne politique d'indépendance pour ainsi transformer notre pays en une puissance socialiste politico-idéologique prestigieuse. Le succès extraordinaire obtenu par le Parti du Travail de Corée pendant la période passée, c'est d'avoir appliqué la ligne révolutionnaire du Sungun, la ligne militaire d'autodéfense, et renforcé notre patrie en une puissance militaire invincible. Sous la direction du parti, notre armée populaire est devenue une puissance révolutionnaire qui a le parfait système de direction unique du commandant suprême, l'esprit impeccable de défense à outrance du comité central du parti et consistant à se faire balai bombe, force principale de l'œuvre révolutionnaire Chuché. Les forces populaires de l'intérieur sont renforcées en forces armées révolutionnaires fidèles au parti, en défenseurs fiables de la patrie et du peuple, qui s'acquittent à merveille de leur mission de défense du leader, du régime et du peuple. Pendant la période passée, un essor a été enregistré à l'étonnement du monde dans l'industrie de guerre et dans le secteur des sciences et techniques de défense nationale. L'ambiance de la primauté des armes et des affaires militaires est implantée dans toute la société et des changements sont survenus dans le perfectionnement des préparatifs de combat des forces paramilitaires. Un grand progrès est marqué aussi dans l'édification de l'économie et de la culture. Notre parti a présenté le problème de la vie du peuple comme la première importance et consenti de grands efforts à l'amélioration de la vie matérielle et culturelle du peuple. Le respecté camarade Kim Jong-un a fait part de la brillante continuation de l'œuvre révolutionnaire. Le secret fondamental de tous les succès et victoires remportés par notre parti et notre peuple dans l'œuvre révolutionnaire Chuché pendant la période passée réside dans le fait qu'ils ont honoré les grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il comme leaders et lutté sous leur direction éclairée et qu'ils ont continué à merveille de génération en génération leur œuvre révolutionnaire. Le camarade Kim Il-sung est le grand leader de notre parti et de notre peuple qui a créé les immortelles idées du Chuché et conduit l'œuvre révolutionnaire Chuché sur l'unique voie de l'invincibilité. Le camarade Kim Jong-il est l'éminent leader qui a renforcé le Parti du Travail de Corée en parti révolutionnaire du Chuché et conduit l'œuvre révolutionnaire Chuché sur l'unique voie victorieuse en continuant fidèlement la pensée et la cause du camarade Kim Il-sung. Le Parti du Travail de Corée qui a parcouru l'unique voie victorieuse en honorant les grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il comme leader a réglé brillamment les problèmes théoriques et pratiques posés par la continuation de l'œuvre révolutionnaire, continué et développé fidèlement la pensée et l'œuvre des leaders. Le Parti du Travail de Corée qui a suivi l'unique voie de la victoire pendant des dizaines d'années est le glorieux parti prestigieux ayant la chance d'être guidé par les éminents leaders. Le Parti du Travail de Corée qui continue brillamment la pensée et la direction de ses leaders sera invincible pour toujours. À la deuxième partie, pour l'achèvement de la cause du socialisme, le camarade Kim Jong-un a indiqué notamment: pour achever l'œuvre du socialisme et réaliser parfaitement l'indépendance des masses populaires, il faut transformer toute la société par le kim-il-sungisme, kim-jong-ilisme. La transformation de toute la société selon le kim-il-sungisme, kim-jong-ilisme est la continuation révolutionnaire et le développement approfondi à une nouvelle étape plus élevée de la transformation de toute la société par le kim-il-sungisme, avancée de bonheur, puis réalisée par le grand camarade Kim Jong-il. Il faut approfondir sans cesse la lutte pour transformer toute la société par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, pour ainsi appliquer à fond les recommandations des leaders dans tous les secteurs, et renforcer pour toujours notre parti, notre État et notre armée, en ceux des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. La tâche de lutte principale qui s'impose devant nous aujourd'hui pour réaliser la transformation de toute la société selon le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, et de parachever la cause d'édification d'une puissance socialiste prospère. Il faut accélérer l'édification d'une puissance socialiste pour consolider la position de la puissance politico-militaire et édifier fructueusement une puissance technoscientifique, une puissance économique et une puissance hautement civilisée pour que des changements faisant date sont opérés dans la lutte destinée à transformer toute la société par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. L'édification fructueuse d'une puissance socialiste florissante sous la bannière de la transformation de toute la société par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme présuppose l'application parfaite de la ligne générale de notre parti consistant à renforcer le pouvoir populaire et à livrer énergiquement les trois révolutions idéologiques, techniques et culturelles en rehaussant sa fonction et son rôle. Il faut donner la priorité à la capacité de se renforcer soi-même. Nous devons rejeter le servilisme à l'égard des grandes puissances extérieures et édifier la puissance socialiste en s'appuyant sur nos propres forces, techniques et ressources et avec l'esprit révolutionnaire de la confiance en soi et de l'opiniâtreté. Nous devons accomplir aussi la réunification de la patrie, aspiration de toujours de la nation, de nos propres moyens, en fortifiant les forces autonomes. La puissance technoscientifique est l'objectif important à atteindre avant tout aujourd'hui dans l'éducation d'un État puissant socialiste. Dans un prochain avenir, nous devons accéder dignement au rang des pays développés du monde dans la force technoscientifique d'ensemble. Si l'on veut mener notre pays au rang des puissances technoscientifiques, il convient de faire grand cas des hommes de talent et de former tout le peuple en scientifiques et techniciens compétents. Il faut implanter dans toute la société l'atmosphère donnant la priorité à la science et à la technologie. Le camarade Kim Jong-un s'est arrêté sur la stratégie de l'éducation d'une puissance économique et du développement de l'économie nationale. Ce faisant, il a souligné que l'éducation d'une puissance économique est le secteur principal auquel notre parti et notre État sont tenus de concentrer toutes leurs forces. Et de continuer. La ligne stratégique de notre parti pour l'éducation d'une puissance économique consiste à perfectionner au niveau élevé l'adaptation de l'économie nationale à la réalité nationale, sa modernisation, son informatisation et sa scientifisation, en adhérant à l'esprit de la confiance en soi, à la capacité de se renforcer soi-même, à la science et à la technologie, et à réunir à la population les conditions de vie plus aisées et civilisées. Il est nécessaire de rehausser sur tous les plans l'indépendance et le caractère original de l'économie nationale. Pour édifier avec succès une puissance économique socialiste, il faut établir de façon scientifique et réaliste les stratégies de chaque étape pour le développement de l'économie nationale et les accomplir sans faillir. Dans l'immédiat, il nous incombe d'accomplir à fond la stratégie quinquennale de l'État pour le développement de l'économie de 2016 à 2020. L'objectif de la stratégie quinquennale de l'État pour le développement de l'économie nationale est de relancer l'économie nationale d'ensemble, d'assurer l'équilibre entre les secteurs économiques, puis de jeter les assises du développement durable de l'économie du pays. Pour marquer une phase tournante dans l'édification d'une puissance économique, il faut améliorer les fonctions de l'État en tant qu'organisateur économique et établir de façon générale la méthode de gestion économique de notre crue matérialisation des statuts jetés. L'État est invité à diriger et à gérer de façon unifiée stratégique et en toute sa responsabilité les affaires économiques et à mettre en vigueur correctement le système de gestion responsable de l'entreprise socialiste. La mise sur pied d'une puissance socialiste hautement civilisée est un des objectifs importants de l'éducation d'un État socialiste puissant. Il faut développer l'enseignement pour transformer la Corée en pays de l'enseignement et des hommes de talent. Il faut développer encore plus le travail sanitaire socialiste. L'édification d'une puissance sportive est une tâche importante posée pour l'édification d'une puissance socialiste hautement civilisée. Il faut marquer une phase florissante générale de la littérature et des arts socialistes, établir encore plus l'ambiance morale dans toute la société et mettre sur pied à merveille davantage d'établissements modernes culturels et de vie esthétique de niveau avec une puissance socialiste hautement civilisée. Pour achever notre œuvre par l'éducation accélérée d'une puissance socialiste, nous devons consolider davantage le potentiel de la puissance politico-idéologique et militaire. Il faut renforcer par tous les moyens la force de la puissance militaire avec la ligne de la révolution du Songun comme ligne stratégique permanente. Si l'on veut remporter la victoire de la cause socialiste dans les affrontements prolongés et aigus avec les impérialistes, il est nécessaire de consacrer toujours de gros efforts au renforcement des forces armées révolutionnaires et de la capacité de défense nationale en portant invariablement le drapeau de Songun. La transformation de toute l'armée selon le Kim-Jong-ilisme constitue le devoir général de l'éducation militaire à maintenir en permanence. L'armée populaire doit prendre pour deux piliers sa transformation en force de la pensée idéologique et de la moralité, et intensifier le travail politique du parti pour enfin former toute l'armée en rang avant-gardiste monochromisé selon l'unique idéologie du parti et étroitement uni dans la foi inflexible et l'obligation morale. Face aux menées de provocations de guerre téméraire des impérialistes américains et des bellicistes sud-coréens contre notre république, l'armée populaire doit maintenir son attitude vigilante extrême et si les ennemis osent déclencher une guerre, il faut anéantir impitoyablement les agresseurs et réaliser l'œuvre historique de la réunification de la patrie. Il nous faut accorder de gros efforts à l'industrie de guerre. Le secteur de la science militaire est tenu de rehausser le caractère original et l'indépendance de l'industrie de guerre, améliorer le niveau de sa modernisation et de sa scientifisation, et sur cette base, étudier et exploiter davantage de puissantes armes modernes de précision, plus légères, robotisées et intelligentes de notre crew, nécessaires pour la grande guerre de réunification de la patrie. Il faut implanter dans toute la société le climat de primauté des affaires militaires et achever les préparatifs de résistance de tout le peuple. Avec la résolution d'en finir à tout prix avec les impérialistes américains, nos ennemis jurés, tout le peuple, si une guerre éclate, est appelé à s'engager comme un seul dans la résistance pan-nationale pour écraser les agresseurs et réaliser la réunification de la patrie. À la troisième partie, pour la réunification indépendante de la patrie, le camarade Kim Jong-un a fait part de la lutte du Parti du Travail de Corée menée pendant la période envisagée pour réaliser la réunification de la patrie et des réalisations obtenues dans ce domaine. Il a dit entre autres « Le Parti du Travail de Corée a repoussé les obstacles des sécessionnistes pour maintenir invariablement la ligne originale du président Kim Il-sung en matière de réunification et mener sans discontinuer le mouvement réunificateur. La lutte de notre parti pour appliquer la ligne originale en matière de réunification a été livrée dynamiquement de génération en génération sous la direction énergique du général Kim Jong-il pour ainsi jeter de solides bases pour réaliser cette cause. Sous sa direction, notre parti a développé au niveau plus élevé les rapports intercoréens et ouvert une nouvelle ère de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité. Conformément à l'aspiration et à la demande unanime de toute la nation coréenne, il faut détruire le plus tôt possible la muraille de la division et ouvrir un grand passage à la réunification de la patrie. L'indépendance nationale est l'esprit principal inscrit d'un bout à l'autre à la triple charte de la réunification de la patrie. Il est donc vital dans le mouvement réunificateur. Il faut régler le problème de la réunification de la patrie sur le principe d'autodétermination nationale conformément à la demande souveraine de la nation et mettre en valeur tant que possible la puissance de la Grande Union nationale pour que toute la nation s'unisse étroitement en transcendant les différences d'idées, d'idéal et d'opinion politique devant la grande cause de la réunification nationale. Dans l'œuvre pour réunifier la patrie, il est important de consentir de grands efforts pour assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et aboutir à la réunification sous forme fédérale. Les États-Unis doivent abandonner l'anachronique politique d'hostilité envers la Corée, changer l'accord d'armistice en accord de paix et démanteler leurs troupes d'agression et armement de guerre de la Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes doivent interrompre intégralement les provocations politiques et militaires ainsi que les manœuvres de guerre insensées et s'efforcer en commun pour assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et réunifier le pays sous forme fédérale sur la base de l'accord pan-national Nord-Sud. Assurer l'indépendance et la grande union nationale ainsi que la paix et réaliser le système fédéral sont l'orientation de la lutte du Parti du Travail de Corée pour réunifier la patrie en appliquant la triple charte de la réunification de la patrie. Le problème urgent à présent pour réaliser la réunification indépendante de la patrie, c'est l'amélioration fondamentale des rapports Nord-Sud. Il faut que le Nord et le Sud de la Corée se respectent mutuellement et joignent les mains en tant que compagnons de la réunification pour marquer un nouveau jalon dans l'amélioration des rapports intercoréens et le mouvement réunificateur de la patrie. Si le Nord et le Sud de la Corée unissent la volonté et la force, ils n'auront rien à craindre dans le monde et rien n'est impossible. Nous finirons par édifier sur ce sol une puissance réunifiée, digne et prospère. à la quatrième partie pour l'émancipation du monde, le camarade Kim Jong-un a dit que pendant la période passée en revue, le Parti du Travail de Corée a manifesté dignement le prestige de la patrie par ses activités extérieures de principe et dynamique, en dépit de la circonstance rigoureuse et de la situation internationale complexe, et rehaussé le prestige international et l'influence de notre République. Et de continuer. Toutes ces réalisations sont le résultat éclatant de la direction imminente des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. Pour l'émancipation du monde, il faut que tous les pays et nations portent haut l'étendard de l'indépendance anti-impérialiste, adhèrent à l'indépendance et luttent pour la justice internationale digne de son nom. Il faut dynamiser la lutte pour défendre la cause socialiste et la faire progresser victorieusement, renforcer le mouvement de non-alignement, alors que les partis, les organisations et les pays progressistes attachés à l'indépendance doivent s'unir et coopérer sous la bannière de l'indépendance anti-impérialiste. Il faut réunir les conditions favorables à faire progresser la cause d'émancipation du monde en intensifiant les collaborations par continent et région sur le principe d'indépendance, d'égalité et de respect réciproque. L'indépendance, la paix et l'amitié sont l'idéal invariable de la politique extérieure du Parti du Travail de Corée et la position fondamentale à maintenir pour toujours dans la lutte pour la cause d'émancipation du monde. Pour appliquer la politique extérieure indépendante de notre parti, il faut continuer à la lettre et sans la moindre vacillation la position du Tse et la lignée indépendante que les grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il ont pris pour credo de vie et maintenu dans le domaine des relations extérieures. Le Parti du Travail de Corée et le gouvernement de notre République s'avanceront tout droit sur la voie invariable de l'indépendance, du Sung-un et du socialisme, quelle que soit la situation et les rapports périphériques, et joueront le rôle de pionniers dans la lutte pour la souveraineté du monde en tant que défenseurs de l'indépendance et de la justice. Il faut ouvrir une brèche dans le développement des rapports extérieurs en fonction de la position de la puissance d'indépendance et du pays détenteur du nucléaire, défendre la paix et la sécurité du monde par la puissance du Sung-un, maintenir en permanence la ligne stratégique visant à mener parallèlement l'édification économique et l'édification des forces nucléaires, et fortifier davantage les forces nucléaires de défense légitime sur les plans qualitatifs et quantitatifs tant que les menaces nucléaires et arbitraires des impérialistes continuent. Notre République, en tant que détenteur du nucléaire responsable, ne fera pas appel la première aux armes nucléaires, comme elle a déjà proclamé, tant que les forces hostiles agressives ne portent pas atteinte à notre souveraineté par le nucléaire. Elle s'efforcera d'appliquer loyalement son devoir de non-prolifération du nucléaire, assigné devant la communauté internationale et réaliser la dénucléarisation du monde. Il faut développer activement les relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec les pays progressistes du monde qui respectent la souveraineté de notre République et nous traitent amicalement pour créer un environnement international favorable à notre révolution. Notre parti et notre gouvernement s'uniront et coopéreront avec tous les pays et nations épris de justice, sans égard aux différences de l'idéologie et du régime, amélioreront et normaliseront les rapports avec les pays qui respectent la souveraineté de notre pays et nous traitent amicalement, même s'ils étaient dans le passé dans les rapports antagonistes avec nous. Nous rehausserons davantage l'influence internationale de notre République et développerons les relations internationales de notre propre initiative et sur tous les plans. Le Parti du Travail de Corée portera haut le drapeau socialiste, à l'avenir aussi, drapeau de l'indépendance anti-impérialiste, s'unira plus étroitement avec les peuples de tous les pays attachés à l'indépendance et militera énergiquement pour la victoire finale de la cause d'émancipation du monde. À la cinquième partie, pour renforcer le parti, le camarade Kim Jong-un a dit « Le Parti du Travail de Corée est l'organisateur et l'inspirateur de toutes les victoires de notre peuple et l'état-major de la révolution coréenne. Dans la période considérée, nous avons écarté de notre propre initiative les difficultés rudes parsemées dans la révolution et remporté d'éclatants victoires et succès dans l'accomplissement de la cause révolutionnaire Tutsé. Il s'agit des conquêtes précieuses et nobles de la direction avisée de notre parti et de la lutte héroïque des militaires et civils faisant bloc autour du parti. Le Parti du Travail de Corée s'est renforcé en parti Kim Il-suniste, Kim Jong-iliste, grand et prestigieux, en explorant une sphère nouvelle de l'édification d'un parti révolutionnaire, pour ainsi conduire à la victoire la cause révolutionnaire Chuché, et à incarner les idées et théories du grand camarade Kim Jong-il en matière d'édification du parti, pour se consolider comme parti véritable du leader et parti révolutionnaire Chuché. Le Parti du Travail de Corée s'est ainsi transformé en parti révolutionnaire Chuché et parti du leader et a remporté des succès exceptionnels dans l'accomplissement de la cause révolutionnaire Chuché. Voilà le résultat noble et précieux des idées et théories originales du grand camarade Kim Jong-il en matière d'édification du parti, ce qui est un exemplaire éclatant de l'édification d'un parti révolutionnaire. Pour accomplir avec succès les tâches importantes afin de parachever l'œuvre socialiste, œuvre révolutionnaire Chuché, en s'inspirant de la transformation de toute la société par le Kim Il-sunisme et Kim Jong-ilisme, il faut transformer le Parti du Travail de Corée en parti Kim Il-suniste, Kim Jong-iliste éternel et rehausser sans cesse le rôle directeur du parti. Renforcer le Parti du Travail de Corée en parti du grand leader, voilà la tâche globale de l'édification de notre parti. Il faut tenir en haute estime le grand camarade Kim Jong-il comme leader éternel du Parti du Travail de Corée et s'efforcer de transformer tout le parti par le Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme. Il convient d'approfondir davantage le travail pour implanter le système de direction unique du parti en fonction de l'impératif de la révolution en évolution. Ce travail sera axé sur la consolidation de l'union et de la cohésion politico-idéologique de tout le parti autour de son comité central. Il faut consolider le parti et le rang révolutionnaire et renforcer par tous les moyens sa puissance combative. Il faut aborder un tournant radical dans le travail idéologique du parti. Il est primordial d'appliquer à fond le principe du système de gestion unique dans le travail idéologique. La primauté des masses populaires doit régner toutes les activités du parti. Que tout le parti sert fidèlement le grand peuple, voilà le mot d'ordre apporté par notre parti. Il est nécessaire de rehausser sans cesse le rôle directeur du parti dans la révolution et le développement du pays, faire disparaître les anciennes méthodes de travail du parti et adopter sur tous les plans la manière de travail du général Kim Jong-il. Notre révolution entreprise au Bektu a progressé de loin en écartant le chemin inexploré pour saluer une ère de bond dans l'accomplissement de la cause révolutionnaire Chuché. Nous devons appliquer parfaitement les tâches de valeur de programme présentées au 7e congrès du parti en vue d'accélérer dynamiquement l'édification d'une patrie socialiste riche et puissante et hâter la victoire finale de la cause révolutionnaire Chuché.